Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, nous allons aborder la reconversion professionnelle. Alors, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco. Alors aujourd'hui, de plus en plus de Français sont tentés par la reconversion professionnelle. Pas évident donc de sauter le pas, d'où la nécessité d'être accompagné. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai invité donc pour cette émission de l'Instant Éco, Pierre Merciol qui représente l'agence donc ONI. C'est ça ? Bonjour Pierre. C'est ça, salut, tu vas bien ? Très très bien. Alors avant d'aborder donc le thème de la reconversion professionnelle, peux-tu nous parler en quelques mots de cette agence ? Alors ONI, j'exprime bien cette... Oui, c'est ça, c'est ONI. ONI, voilà. Alors l'agence ONI, c'est une agence qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle, une transition professionnelle, créer une entreprise, changer de métier, changer de taf. Tout à fait. Simplement. Alors toi, personnellement, as-tu connu des changements importants justement dans ta carrière sur le plan professionnel ? Alors oui, moi j'ai fait un master en ressources humaines. Mm-hmm. À l'issue de ce master-là, j'ai fait du bénévolat dans une radio pendant un an sur des fonctions de responsable des relations avec les associations étudiantes parce que je me cherchais un peu. Et après, j'ai travaillé chez France Travail, un pôle emploi à l'époque. Mm-hmm. Donc on est bien loin de la direction des ressources humaines. Tout à fait. Donc ça a été en vague. J'ai fait que changer puisque après, je me suis retrouvé dans la fonction publique sur des fonctions RH, mais mes études ne me préparaient pas forcément à aller dans les administrations, jusqu'à même accompagner des jeunes médecins dans leur création de leur activité, mmh. avant de finir effectivement chez ONI. Donc, j'ai pas un parcours très classique. Bon, ben, qu'un parcours original. Alors, voilà. Pendant tout ce parcours, est-ce que tu as un beau souvenir professionnel ? Je crois que c'est celui que je vis actuellement. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de participer à un projet naissant qui a une réelle mission dans laquelle je crois, celle d'accompagner les femmes et les hommes qui ont besoin de se reconvertir. Et j'ai dans mes missions des choses que je n'aurais pas pensé faire avant. Je vais te dire un truc qui paraît un peu bête, mais j'ai monté un meuble dans l'agence. Mmh. Alors que je suis un gaucher avec deux mains droites. Mmh. Comme je suis responsable de l'agence, j'ai monté un meuble. Voilà, c'est ce côté, le petit bébé à monter, et ça c'est vachement cool. Mais très bien. Et donc, un mauvais souvenir éventuellement ? Eh bien, le poste que j'avais précédemment, ce n'est pas très très bien passé, je n'entrerai pas dans les détails. J'avais l'impression de ne pas servir à grand-chose, mais est-ce que c'était impression justifiée ou non ? Mm-hmm. Un peu une perte de sens, et on en reparlera, je pense. Ah bah tout à fait, hein. Beaucoup de Français ont cette perte de sens. Hein, ce qu'on appelle le burn-out. Et qui donc, les amène justement à tenter donc, de sauter le pas vers donc, un nouveau métier. Alors justement, revenons sur cette thématique de la reconversion professionnelle. Alors quel rôle joue justement l'agence ONI dans ce processus de reconversion professionnelle ? Alors ONI accueille des personnes qui se posent des questions, et de là, on a une offre de services, puisqu'on est une entreprise privée, hein, je tiens quand même à le dire. On a une offre de services qui va permettre d'accompagner ces personnes-là vers un ailleurs professionnel avec un accompagnement personnalisé avec un coach qui va prendre en compte toutes les dimensions de la personne, ses envies, ses besoins. On a des outils à disposition qui permettent aussi d'orienter le travail jusqu'à un ailleurs professionnel qui soit alors création d'entreprise mais aussi salarié. Mmh. Donc vraiment un réel suivi. Ouais. Alors cette reconversion professionnelle, c'est un sujet particulièrement d'actualité dans le contexte actuel où les évolutions technologiques, où les transitions écologiques bouleversent beaucoup de secteurs. Alors est-ce que tu as déjà, avec un petit peu de recul, quelles sont les grandes tendances que vous pouvez observer en matière de reconversion professionnelle ? Les grandes tendances, alors je te dis des choses que j'ai observées dans ma vie, pas forcément chez ONI depuis que j'ai démarré. On a une grande tendance qui est le retour vers les métiers manuels, et c'est là où on revient sur le sens, notamment des jeunes diplômés bac plus 5 qui refont des CAP, des BEP, qui vont dans la menuiserie, la boulangerie, etc. Donc ce retour vers les métiers manuels. Il y a aussi la création d'entreprises. Un Français sur trois, on estime, enfin les chiffres de l'INSEE, un Français sur trois, ou l'INSEE, ou je ne sais plus qui, bon, tu m'as compris. Oui. Un Français sur trois voudrait créer. Alors, pas forcément voudrait, mais serait posé la question, se poserait la question sur la création d'entreprise, souvent pour devenir son propre patron, pouvoir gérer un peu mieux son temps, puis à ce côté, voilà, créer son bébé, il y a une volonté aussi des gens. Et justement, l'INSEE a publié des statistiques pour l'an passé, on a battu les records en termes de création d'entreprise, et aujourd'hui, on est bon, en plus, on a des outils, notamment l'auto-entrepreneur, micro-entreprise, qui facilite cette création. Après, sur d'autres secteurs que j'ai pu noter, il y a les animaux, le toilettage canin, les pet sitters, j'en avais vu quand j'étais à France Travail, tous les métiers de connexion, les métiers du social, de la santé, et également tout ce qui parle d'écologie, de transition énergétique, c'est des choses qu'on vend en poupe aujourd'hui. Alors je suppose qu'il y a différentes étapes pour justement accompagner donc, les personnes qui souhaitent faire ce choix. Je pense que vous devez faire un premier bilan de ce parcours. Alors on a un bilan qui est gratuit sans engagement, qui peut être réalisé en visio ou directement à l'agence. Ce bilan-là, il va permettre de connaître la personne et de voir ses besoins. Et de là, après, on rentre dans notre offre, en fait, ce qu'on va proposer. Notamment, on fait du bilan de compétences certifié Calliope. On a du coaching à la création d'entreprise, des tests de personnalité et des formations qui sont proposées avec nos partenaires. Donc voilà, donc c'est un parcours qui est bien structuré, mais je me pose la question, est-ce que tout le monde peut se reconvertir Par exemple, certains peuvent penser que c'est plus difficile passer un certain âge ou qu'il est difficile de se reconvertir dans certains secteurs spécifiques. Tu as parlé justement des métiers manuels quand on est Bac plus 5. Après, c'est sûr que si quelqu'un passe la porte de l'agence demain et me dit « je veux être ingénieur aéronautique », bon, il risque d'y avoir des difficultés. Après, effectivement, plus l'âge avance, moins on a de capacité d'apprentissage. Maintenant, moi, je ne serais pas catégorique là-dessus. Je pense qu'avec le bon accompagnement, le bon travail, la bonne volonté, on est tous capables de grandes choses. Oui, c'est ça, la motivation, oser donc sauter le pas. Et puis, effectivement, la certitude peut faire peur, mais on ouvre beaucoup de nouvelles portes dès lors qu'on a franchi effectivement ce pas. Et alors, je suppose qu'il faut aussi intégrer des contraintes financières, sans oublier que la peur de l'échec des candidats... peut être aussi un frein. Il y a des contraintes financières. Après, aujourd'hui, en France, on a quand même la chance d'avoir des dispositifs, je pense notamment au compte personnel de formation, où on peut la cotisation des 500 euros par an pour la plupart des gens, alors c'est 800 euros pour certaines personnes, nous permettent de choisir des formations. Il y a des dispositifs de maintien de rémunération. Alors, après, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça dépend si tu es un salarié du privé, si tu es un salarié du public. Dans le public, on a le congé de formation professionnelle, par exemple, qui permet d'avoir un maintien de salaire la première année tout en se formant. Pour les salariés du privé, on a la transition professionnelle avec un salaire qui est maintenu durant la formation. Donc, il y a des freins. Le frein financier, il est important. Mais maintenant, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de nous former, qui nous permettent de nous accompagner. Quant à la peur de l'échec, je pense que ça, c'est une discussion qui est vieille comme le monde. Je n'ai pas forcément grand-chose de très intéressant à dire, à part que chez nous, chez ONI, et on a aussi, notamment dans le cadre du coaching, on a cette idée de comprendre pourquoi la personne a peur de l'échec et d'agir là-dessus. Tout à fait. Donc, on peut conclure qu'il existe donc des aides et des dispositifs effectivement qui permettent donc de rassurer le candidat à la reconversion professionnelle. Et puis, la peur de l'échec, c'est un petit peu, on peut faire du développement personnel pour être accompagné aussi. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs outils, pas seulement financiers. Il y a peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de ne pas s'en sortir. Nous, on est là aussi pour lever des freins. Oui, c'est ça. C'est important, lever des freins. On va faire donc une première pause musicale, l'occasion de découvrir les coups de cœur musicaux de notre invité. Alors Pierre, quel a été ton premier choix? Je ne m'en rappelle pas. Alors je crois que c'est Alain Souchon. Alain Souchon, full sentimental, je crois que je t'ai mis. Voilà. Ouais, un grand chanteur et une grande musique. Une très belle chanson qu'on va proposer tout de suite à nos auditeurs et auditrices. Donc full sentimental, Alain Souchon. Soif d'idéal attire. Voilà, c'était Alain Souchon, Full Sentimental. C'était le premier coup de cœur de notre invité Pierre Merciol de l'agence ONI. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes bien sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission de l'Instant Éco Pierre Merciol, représentant de l'agence ONI, pour parler de reconversion professionnelle. Alors, nous avons parlé dans la première partie des étapes qui vont vous permettre de se reconvertir professionnellement et je voudrais revenir un petit peu sur les dispositifs d'aide pour vraiment sécuriser le parcours de cette personne qui veut se reconvertir. Alors, effectivement, on en parlait, les dispositifs d'aide et on va dire les interlocuteurs, ils dépendent aussi de la situation de la personne. On a pour les demandeurs d'emploi le France Travail, hein, évidemment, l'APEC pour les cadres, Cap Emploi pour les personnes RQTH, toutes les chambres consulaires, la chambre du commerce et de l'industrie, la chambre des métiers pour les porteurs de projets de création d'entreprise, le conseil en évolution professionnelle pour les personnes qui souhaitent changer de travail. Et puis, il y a tout un tas d'associations aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a le secteur associatif, et notamment dans tout ce qui est création d'entreprise. Je pense à Alexis, par exemple, tous les pépinières d'entreprise, les incubateurs, les accélérateurs. Il y a plein de choses. Et après, pour revenir vraiment sur la sécurisation des personnes par rapport à la rémunération, au financement, effectivement, on parlait du compte personnel de formation. On a ce que je disais, le congé de formation professionnelle pour les agents de la fonction publique. On a Transition Pro, le PTP, projet de transition professionnelle, pour les salariés, donc qui permettent de suivre des formations sur un congé spécifique et d'avoir un maintien de rémunération. Donc en fait, on n'est pas tout seul en France, ça c'est bien. Et puis évidemment, ONI. Voilà. Bonne structure. Donc justement, on va y revenir sur votre agence et donc voir un petit peu comment elle est structurée, comment est-elle financée. Mais je me demande s'il y a un profil type aujourd'hui du candidat à la reconversion professionnelle. Alors pas forcément, sachant qu'il y a déjà trois périodes dans la vie où on se pose des questions. Il y a 18-19, à peu près 28-30 et la crise de la quarantaine. C'est vraiment trois périodes où on va se poser des questions. Donc avant d'entamer des grosses études, après quelques années d'expérience et la crise de la quarantaine. Pourquoi, je ne sais pas. Après, voilà, moi, dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui, il y a des profils très, très, très différents, quoi. Alors, pour nos auditeurs qui voudraient se lancer, pouvez-vous nous donner quelques exemples de secteurs où la demande de nouveaux talents est particulièrement forte aujourd'hui ? Les métiers en tension aujourd'hui au niveau de la région Grand Est, c'est le bâtiment, les travaux publics, la transport, la sécurité, la santé et le social notamment. Et sur des choses un peu plus spécifiques, on a tout ce qui est la restauration, la maçonnerie, la soudure et l'aide à domicile. Après, l'idée, c'est d'accompagner des gens dans la réalisation de leurs rêves aussi. C'est pas de faire du placement en disant, il y a besoin tout à fait. D'aide à domicile. Mais si la personne que j'ai en face de moi, elle veut faire animateur radio, je vais l'accompagner pour faire animateur radio. Voilà. Bah surtout que moi, je suis très sensible à la thématique du bonheur au travail. Le bonheur au travail. Hein, donc, c'est vrai que très peu de Français se lèvent le matin avec le sourire pour aller travailler. Bah, sachant que 85% des Français vont se poser la question dans les 5 prochaines années de changer de travail, effectivement. Voilà, donc des perspectives de croissance pour votre agence. Alors justement, moi, j'ai regardé un petit peu le site de votre agence et j'apprécie tout à fait le slogan de votre agence. C'est ici que commence la nouvelle vie, oser le changement. Alors, comment justement l'agence Audi est structurée pour accompagner au mieux des personnes qui veulent justement commencer cette nouvelle vie? Une personne qui arrive en agence, comme je te l'ai dit, elle est reçue avec le sourire, avec le café, gratuitement et sans engagement sur un premier bilan. Et après, on lui propose, selon l'orientation qui a été définie, selon le discours, l'offre de service. Et il y a un coach qui est là du début à la fin. Alors, peu importe ce qu'on va proposer, si c'est un bilan de compétences, un accompagnement à la création d'entreprise ou une formation, l'idée, c'est que quelqu'un de chez Oni accompagne la personne. Il n'y a pas des personnes dédiées en fonction de votre, justement, connaissances, par exemple. Alors, il y a des... moi, je suis coach carrière, donc je vais accompagner les personnes sur des bilans de compétences, sur du coaching. Mais on a chez nous aussi des professionnels de l'accompagnement à la création d'entreprise qui ont aidé à monter entre 4000 et 10 000 entreprise. Et ces gens-là vont plus accompagner des personnes qui veulent monter, reprendre une entreprise, quoi. Alors, vous l'avez dit, l'agence Sony, c'est une structure privée, à but marchand. Alors, au niveau du business model, comment finance-t-elle son activité ? En vendant ses services. Oui, en vendant ses services. Donc, c'est essentiellement, est-ce que vous bénéficiez éventuellement d'accompagnement, de subventions éventuellement ? Non. C'est uniquement les services que vous proposez. Les services qu'on propose. Alors justement, pour accompagner au mieux les candidats à la reconversion, est-ce que vous avez noué des partenariats ? Je prends un exemple, c'est, vous voulez créer une structure juridique. Est-ce que vous allez voir un expert comptable qui va peut-être venir vous aider pour vous présenter les différentes structures ? En tant que responsable commercial de l'agence de Nancy, c'est vraiment l'une de mes missions, c'est d'aller nouer des partenariats. Alors, mon partenariat, parfois, il est un peu fort. Moi, je pense surtout à échange de pratiques et de procédés. Par exemple, j'ai reçu une sophrologue il n'y a pas longtemps, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, les gens qui ne sont pas bien dans leur boulot, ils vont voir des professionnels de santé, et très souvent, j'allais dire paramédical, mais plus holistique, des choses assez... Tout à fait. Donc on essaye de discuter avec les gens qui sont autour de nous, avec des gens qui sont en lien avec des personnes qu'on pourrait accompagner, et tout ça dans un bon échange. La semaine dernière, j'étais à un café business, par exemple. Donc rencontrer des gens, moi c'est vraiment important le tissu économique local, je me balade beaucoup, entre guillemets, autour du coin pour tisser des liens, c'est super important. Rechercher les compétences. Rechercher les compétences, donc effectivement un expert. J'avais rencontré un expert comptable, des avocats, etc. pour rerouter les personnes. Tout à fait, très bien. Alors je crois que vous êtes implanté principalement à Reims et à Nancy. Oui, c'est les deux agences qui ont ouvert, c'est les deux premières. Donc l'agence à Reims et l'agence à Nancy. Et vous avez des projets éventuellement d'ouverture ? Ça, l'avenir le dira. Oui. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième pause musicale. Et dans la dernière partie, on vous donnera un petit peu encore quelques conseils pour les personnes qui hésitent encore à se lancer dans la reconversion professionnelle. Et là, donc, c'est un choix tout à fait différent du premier. Je crois que c'est Rock You Like a Hurricane de Scorpion. Voilà, c'est ça. Alors, gros groupe aussi, grosse musique. Et puis, c'est l'enfance. Un peu comme Full Sentimental, c'est le truc que j'écoutais dans la voiture. Voilà, et bien, on écoute tout de suite votre deuxième coup de cœur musical. Rock you like Vous avez reconnu certainement donc Scorpion, c'était le deuxième coup de cœur de notre invité, Pierre Merciol. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Eh bien, ouais, vous êtes bien donc en effet sur Radio Fadjet dans l'instant écho pour parler reconversion professionnelle avec Pierre Merciol de l'agence ONI. Alors, on arrive à la dernière partie de notre émission. Alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui hésite encore à se lancer dans une reconversion professionnelle ? Bah, de venir à l'agence ONI. À l'agence ONI. Non, mais enfin, oui. Oui, mais aussi de croire en ses rêves, ça paraît un peu disneyien de dire ça, mais aujourd'hui, il ne faut pas se laisser, dormir, en fait. Il faut se prendre en main, parce qu'on bosse toute notre vie, hein, en théorie, on a besoin en plus. Il faut y aller, quoi. J'ai pas de très très bons conseils à donner, c'est vraiment un travail personnel, quoi. C'est se dire, ben, là j'ai envie de changer de vie, comment je fais ? Il faut passer le pas. Mmh. Voilà, et donc justement, quel est le point fort de, finalement, de votre agence ? Le point fort de l'agence, c'est vraiment cette dynamique de coaching personnalisé de A à Z, d'avoir toujours quelqu'un qui vous suit, et également d'avoir dans notre boîte à outils la possibilité d'emmener, une personne accompagnée d'un point A à un point Z sur tous les aspects. Aujourd'hui, quelqu'un... Je prenais cet exemple-là en off. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre, qui est boulanger et qui en a marre et qui veut sortir toilette heure canin, il peut. Bah, il peut, avec travail, avec... Voilà, je dis pas, mais ça prend du temps. Mais aujourd'hui, on a tous les outils d'accompagnement et tous les outils formation nécessaires pour permettre cette réalisation-là, avec notamment un parcours de 48 métiers. Surtout que ce n'est pas facile de trouver souvent l'information clé. On est confronté aujourd'hui avec Internet à une multitude d'informations. Moi, je parle d'infobésité. Oui, l'information c'est pas mal, c'est infobésité. Infobésité. Et justement, votre structure propose de sélectionner les infos en et fait, de gagner du temps. C'est aussi que c'est un guichet unique. Voilà, c'est une forme de guichet unique. Le fait d'avoir un interlocuteur unique qui tisse une toile, et c'est ce que j'expliquais avant la deuxième pause musicale, qui va faire du réseau, etc., c'est plus simple que, effectivement, l'infobésité d'aller sur Google et d'être là, mais Que dois-je faire quoi. Et puis en plus, vous avez passé plusieurs étapes, vous avez changé plusieurs fois de métier. Ouais. Vous donnez l'impression d'être finalement un professionnel heureux. Bah, moi, je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui chez ONI. Je crois en ce qu'on fait, je crois en la mission, je m'amuse bien. La preuve, je suis ici sur Fadjet, de l'autre côté. Mais c'est important aussi d'être accompagné par des professionnels qui croient dans le métier qu'ils exercent. Ouais. Si on n'y croit pas, on ne peut pas faire du bon taf. Tout à fait. Voilà, belle conclusion. Ainsi s'achève cette émission donc, de l'Instant Économie. Merci Pierre Mercial d'avoir accepté mon invitation. On vous allez quand même peut-être rappeler peut-être l'adresse de votre agence. Rappeler, on ne l'a même pas dit encore. Non, je ne crois pas. C'est pour ça qu'on va en parler. Je suis au 5 bis Avenue Foch. C'est au 5 bis Avenue Foch, c'est en face de la FNAC, à côté du Starbucks. D'accord. Voilà. Et vous avez peut-être une plateforme internet, un site internet my-oni.fr. Très bien. Voilà. Et toutes les infos pour vous accompagner. Alors, si vous avez pris donc l'émission en cours, sachez que vous pouvez nous retrouver en replay donc, sur le site de Radio Fadjet. Donc, n'hésitez pas donc, à nous réécouter et puis donc, à nous faire part de vos suggestions donc, sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans les prochains mois. Et bien, d'ici là, donc, on se retrouvera donc, prochainement pour une nouvelle émission de l'Instant Éco. Merci Pierre encore une fois. Merci à toi. Et à très bientôt. Et d'ici là, donc, n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.